إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات وقد تكرر الطلب من سمعوه وألحوا على طباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله وكنت أنوى ذلك حال إعداده لكن نزولا عند رغبة الكثير عدت النظر فيه ورتبته وقدمته لاتباعه وهو بين يديك أيها القارئ الكريم فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله ولقد لخصته من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع من حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il fait pour l'introduction? Il explique que ça c'est un résumé de fiqh qui est accompagné de ses preuves du Coran et de la Sunna, et il a donné ces cours-là dans des halaqat qu'il donnait à la radio. Et les auditeurs ont exprimé leur envie de voir que ce livre soit imprimé, qu'il soit publié. Et le chef, il a dit qu'il a révisé un peu ses notes et tout, puis il a décidé de le faire publier par la suite, et que c'était son intention au début lorsqu'il préparait ses cours. Mais quand il a vu que beaucoup de gens ont fait la demande de ça, alors il a répondu à leur demande. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un bien. Et après le cheikh il dit que qu'est-ce qu'il y a dedans d'erreur, c'est de lui-même, et qu'est-ce qu'il y a de bon, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est un résumé qu'il a résumé du livre qui s'appelle Ar-Rawd al-Murbi', qui est l'explication du livre résumé qui s'appelle Zad al-Mustaqni'. C'est un livre de fiqh Hanbali qui s'appelle Zad al-Mustaqni', et il est expliqué par un des ulama qui s'appelle parmi les ulama, et le titre de ce charh c'est Ar-Rawd al-Murbi'. Donc le cheikh il a pris ça d'une hashia, c'est-à-dire de l'explication de Rawd al-Murbi'. Il y a le chef Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi qui a mis des commentaires à ce charh, et lui il s'est basé sur ça pour faire un résumé. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne le succès à tous dans la science et dans les bonnes œuvres. Et yani, donc il commence le livre ainsi, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est un livre de fiqh et c'est un résumé très bénéfique. Il est rempli de preuves du Coran et de la Sunna pour chaque point et il est expliqué avec clarté et beaucoup d'explications. Donc ça vaut la peine, je pense que c'est parfait pour notre niveau. Il n'est pas trop compliqué, il est très simple. Et donc c'est bon pour, d'après moi, Allahu A'lam, pour commencer. Et puis ça va aider les gens qui commencent dans l'islam ou bien qui sont déjà avancés mais qui ont besoin de plus de compréhension, plus de détails. Et ça va être parfait d'après moi aussi pour les personnes qui se convertissent à l'islam, qui veulent comprendre les règles de l'adoration, comment prier, comment jeûner, comment se purifier, toutes ces choses-là. Donc c'est très important ça, et surtout de ces temps-ci, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent. Alors je pense que si ces cours-là sont enregistrés, ça va être un fadl, ça va être quelque chose de bien pour tout le monde, inshallah. Donc le cheikh il commence et il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fadl al-tafaqquh fi al-din. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit le bienfait de chercher la compréhension de la religion. Alhamdulillah. Donc ça c'est comme une petite introduction avant de rentrer dans le sujet pour faire comprendre l'importance de chercher le ilm dans l'islam. Le cheikh il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Donc le cheikh il dit amma ba'd, فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة خير. Le cheikh il dit de chercher le fiqh, c'est-à-dire la compréhension de la religion, c'est parmi les meilleures œuvres et c'est un signe de bien. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith متفق عليه, hadith de Muawiyah, selon Muawiyah dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ad-din, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. وذلك لان التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. Le cheikh il dit pourquoi? Parce que la personne qui cherche la compréhension de la religion, qu'est-ce qui vient par conséquence d'avoir, une fois qu'il a appris cette connaissance ou cette compréhension de la religion, eh bien ça amène une connaissance, une bonne connaissance, une connaissance qui est bénéfique, et ce que ça implique également des bonnes œuvres qui viennent avec cette connaissance bénéfique. Et le cheikh il dit قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Ça c'est dans le verset dans sourate al-Fath, le verset 28. Donc le cheikh il dit فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. Donc le cheikh il dit que dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé son messager avec الهدى et avec دين الحق. Et le cheikh il explique que Al-Huda, qui est traduit par la guidance, qu'est-ce que c'est cette guidance? C'est la connaissance bénéfique. Sans connaissance, tu es égaré. Donc c'est pour cette raison-là qu'on dit que Al-Huda, la guidance, c'est la connaissance. La connaissance, c'est comme une lumière et elle t'éclaire sur ton chemin. Donc sans lumière, dans les ténèbres, tu es perdu, tu es égaré. C'est pour ça qu'on dit que la guidance, c'est pour ça qu'on dit que la science, c'est ça la guidance. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit que al-huda, c'est la connaissance bénéfique. Ou al-haq, wa din al-haq, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. Parce que ad-din, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu appliques, qu'est-ce que tu pratiques de la religion, qu'est-ce que tu mets en application. C'est ça ad-din. Okay? Donc din al-haq, c'est les bonnes œuvres. Après il dit وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من العلم. قال تعالى وقل ربي زدني علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il demandait toujours, comme Allah lui a ordonné, d'augmenter toujours sa science et sa connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager dans le Coran, dans un verset, de l'augmenter en science en disant wa qul rabbi zidni ilma. C'est le verset 114 dans Surat Taha. Augmente, ô mon Seigneur, dit Seigneur, augmente-moi en science ou en connaissance. Après, Cheikh il dit قال الحافظ ابن حجر وقوله عز وجل قل ربي زدني علما واضح في الدلالة في دلالتي أو في الدلالة في فضل العلم واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله لم يأمر نبيه بطلب نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Donc le Cheikh il dit que les paroles de l'imam Ibn al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué Fath al-Bari, c'est-à-dire qui a expliqué Sahih al-Bukhari dans son livre qu'il a nommé Fath al-Bari, il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et dit Seigneur augmente-moi en science, c'est clair comme preuve pour montrer le mérite de la science et de, du savoir. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à son messager ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander plus de quelque chose excepté de la science. Donc ça montre l'importance de la science yani dans la religion. Après le cheikh il dit وَقَدْ سَمَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَجَالِسَ الَّتِي يُتَعَلَّمُ فِيهَا الْعِلْمُ النَّافِعُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les réunions où les gens s'assoient ensemble pour étudier la connaissance et la science bénéfique. Il les a appelés par le nom de Riyad al-Jannah, c'est-à-dire les jardins du paradis. D'accord? Et il a informé également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les ulama, les savants, sont les héritiers. Warathatul anbiya, sont les héritiers des prophètes. Parce que les prophètes, ils ne laissent pas de bien lorsqu'ils meurent, mais ils laissent la connaissance. Donc, les savants, ce sont eux qui héritent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne laissent pas de l'argent, mais ils laissent du ilm. Ensuite, le cheikh il dit ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريق التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح حتى يكون هذا العمل صحيحا ومؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ الشيخ الزي si il pose en réalité il pose une question importante. Il n'y a pas de doute que l'être humain avant qu'il commence à faire une action quelconque, il doit connaître la meilleure façon d'appliquer ou d'exécuter cette action-là pour le faire de la meilleure façon et d'une façon qui est correcte, pour que son action soit correcte et qu'elle amène les résultats recherchés, les résultats qu'on recherche par cette action-là. Donc le cheikh il dit comment quelqu'un pourrait commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire commencer à adorer son Seigneur, et on sait que l'adoration dans l'islam, que c'est là-dessus que se tient ou que c'est là-dessus que se base le fait si quelqu'un sera sauvé de l'enfer et qu'il entrera au paradis ou le contraire. Donc c'est important avant de rentrer dans une ibada quelconque et d'essayer d'adorer notre Seigneur, de comprendre comment. Et le cheikh il dit comment quelqu'un pourrait faire ça excepté sans avoir de science. Donc il faut connaître la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est impossible. Donc le cheikh dit وَمِنْ ثَمَّ افْتَرَقَ النَّاسُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ثَلَاثَ فِرَقٍ. Il dit, à partir de ce point, les gens se sont divisés en trois catégories ou trois catégories de personnes par rapport à la connaissance et à l'action. La première catégorie, al-fariq al-awwal, alladhina jama'u bayna al-'ilm an-nafi' wal-'amal as-salih, wa ha'ula'i qad hadahum Allah as-sirat al-mun'am 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, wa hasuna ula'ika rafiqa. Donc le cheikh il dit que le premier groupe, c'est ceux qui ont réuni entre la bonne connaissance qui est bénéfique et les bonnes œuvres, l'action qui est salih, qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé sur le chemin de ceux qui ont mérité sa grâce parmi les prophètes, les siddiqin, les véridiques, les shuhada, les témoins et les salihin, hein, les martyrs, les témoins et les gens qui sont vertueux. Et ceux-là sont ceux qu'on doit prendre comme des bons compagnons. Après, il mentionne le deuxième groupe, il dit al-fariq al-thani alladhina ta'allamu al-'ilma an-nafi'a wa lam ya'malu bihi wa ha'ula'i humul maghdub 'alayhim min al-yahudi wa man naha nahwahum. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont appris la connaissance bénéfique mais qui n'ont pas appliqué cette connaissance, et ceux-là sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les juifs et ceux qui ont suivi leur voie, qui ont suivi leur direction, c'est-à-dire qui n'ont pas appliqué la connaissance qu'ils avaient. Et al-fariq al-thalith alladhina ya'lamun bila ya'maluna bila ilm alladhina ya'malun bila ilm wa ha'ula'i hum ahlu ad-dalal min an-nasara wa man naha nahwahum. Donc le cheikh dit cela, c'est le troisième groupe, c'est ceux qui ont agi, qui ont fait des œuvres mais sans connaissance, sans avoir de connaissance correcte pour savoir comment l'appliquer ou comment le faire, et ceux-là sont parmi les gens de l'égarement, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire les égarés, ce sont ceux qui sont parmi les chrétiens et ceux qui ont suivi leur voie. Le cheikh dit ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc le cheikh il dit que ces trois groupes sont compris dans la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne lorsqu'on lit dans surat al-Fatiha, dans chaque rak'a de notre prière, on dit ô Allah, on dit اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux qui ont mérité ta grâce, ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ceux contre qui tu es en colère, ni ceux qui se sont égarés. Et après le cheikh il dit قال الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم والضالون العاملون بلا علم فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne, et ça c'est les paroles de Muhammad ibn Abdul Wahhab l'imam, il dit en ce qui concerne le verset et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et non pas de celui des égarés, il dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les ulama qui n'ont pas appliqué leur connaissance, ou ceux qui ont une connaissance mais qui ne l'appliquent pas, et ad-dalloun, ce sont ceux qui ont agi sans connaissance, qui ont fait des œuvres d'adoration sans avoir de connaissance. Il dit le premier groupe, c'est la caractéristique des juifs en particulier, et le deuxième groupe, c'est la caractéristique des chrétiens. Et après il dit وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات فيا سبحان الله كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما ومع أنه لا حذر عليه منه لا ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup de gens parmi les gens qui, lorsqu'ils regardent le tafsir de ce verset, ils voient que les juifs sont ceux qui ont eu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les nasara sont les égarés. Donc ils croient que ce verset-là s'applique uniquement à ces deux groupes-là en particulier, hein, et non pas à eux. C'est-à-dire les gens pensent, que beaucoup de musulmans, ils s'imaginent que ces versets-là s'appliquent seulement à ces deux groupes, les chrétiens et les juifs, et non pas à certains musulmans. Et le cheikh, il dit, donc il lit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, commandé de faire ce dua dans chaque rak'a, hein, on doit réciter ce dua, et de demander à Allah la protection du chemin des gens qui ont ces caractéristiques-là. Donc le cheikh, il dit, ya subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait enseigné ce dua et l'aurait choisi, il nous l'aurait ordonné, hein, pour qu'on le récite et qu'on l'invoque toujours par ce dua-là, et qu'il n'y aurait pas de rien, il n'y aurait pas aucune, on n'aurait pas de précaution à prendre vis-à-vis de ces deux voies-là ou de ces caractéristiques-là pour nous-mêmes. Et on ne peut pas imaginer une chose pareille, et ça c'est d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah, que de penser que Allah subhanahu wa ta'ala nous ferait répéter un doigt sans qu'il y ait aucun rapport avec, sans qu'il ait aucun rapport avec nous. Donc le cheikh, il dit, ça c'est la fin de la citation du cheikh, il dit wa huwa yubayyinu lana al-hikma fi faridati qira'ati hadhihi as-surati al-'azima surati al-fatiha fi kulli rak'atin min salatina fa فرضها ونفلها لما تشتمل عليه من الإسرار ومن الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة أن يتجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. Donc le cheikh il dit que le cheikh il nous explique la sagesse d'avoir que Allah pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la lecture de cette sourate, de cette grande sourate qui est sourate al-Fatiha dans chaque rak'a de notre prière, que ce soit une prière obligatoire ou recommandée. Pourquoi? Parce que cette sourate elle contient toutes sortes de secrets, de grands secrets, et parmi ces secrets Kani, le fait qu'il y ait ce grand dua qui est du fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès de suivre le chemin des gens qui ont la bonne connaissance, al-ilm al-nafi' et les bonnes œuvres, al-amal al-salih. Et c'est-à-dire que c'est le chemin qui amène au salut dans la dunya et dans l'akhira, c'est-à-dire dans l'autre vie. Et de nous faire éviter le chemin des gens qui sont perdus ou qui s'en vont vers la perdition. Et c'est ceux qui ont soit manqué dans la connaissance ou dans les actions. C'est soit qu'ils ont eu un manquement dans une de ces deux aspects-là ou bien dans les deux ensemble. Donc celui qui a eu un manquement dans les deux ensemble, il est encore plus égaré que celui qui a juste un des deux. والله المستعان. Donc le cheikh il dit, ثم اعلم ايها القارئ الكريم ان العلم النافع انما يستمد من الكتاب والسنه تفهما وتدبرا مع الاستعانه على ذلك بالمدرسين من الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. نعم. Donc le cheikh ensuite il dit, et puis sachez, ou bien sache, ô toi, celui qui lit, un noble lecteur, il dit que la connaissance bénéfique, elle se prend uniquement du livre et de la sunna, c'est-à-dire du Coran et de la sunna. dans le but d'arriver à avoir une compréhension et dans le but de méditer sur l'essence de ces deux livres-là, ou ces deux références-là, tout en cherchant l'aide des enseignants, ceux qui enseignent. On leur demande de nous aider à comprendre. Et également les livres de tafsir et les livres d'explication des hadiths et les livres de fiqh et les livres de grammaire et de langue arabe par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim. Donc ça c'est très important, subhanallah, la langue arabe. Après le cheikh il dit فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. Ces livres là nous aideront à comprendre le Coran et la Sunna. Après le cheikh il dit فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك وتتعلم أحكام زكاة مالك وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتجتنب منها ما حرم الله عليك. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire pour toi, mon frère musulman, pour que ton action soit valable et acceptée, qu'elle soit correcte, que tu apprennes ce qui est nécessaire pour toi pour que ta religion soit droite. Tu acquiers la connaissance de ce qui est obligatoire pour toi, pour être capable de bien pratiquer ta religion. Que ce soit dans ta prière, ton jeûne ou ton hajj, tu dois apprendre les règles de ces choses-là, de ces adorations-là, et de même que connaître les règles de la zakat sur tes biens, comment la faire sortir. De même que tu dois apprendre les règles qui ont rapport avec les interactions ou les affaires de la dunya que tu as besoin de connaître, qui ont rapport avec les règles islamiques à ce sujet-là. Que ce soit le mariage ou le commerce ou ces choses-là, tu dois connaître dans ces choses-là ce qui est halal et ce qui est haram, dans le but de savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, pour éviter le haram, qu'est-ce qu'Allah interdit, et pour prendre qu'est-ce qui est bien, et pour que qu'est-ce que tu gagnes de salaire ou qu'est-ce que tu reçois d'argent pour le travail que tu fais, pour qu'il soit halal et pour que ta nourriture soit halal. Et le cheikh il dit وَلِتَكُونَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا تَمَسُّ حَاجَتُكَ إِلَى تَعَلُّمِهِ وَهُوَ مَيْسُورٌ بِإِذْنِ اللَّهِ مَتَى صَحَّتْ عَزِيمَتُكَ وَصَلُحَتْ نِيَّتُكَ. Le cheikh il dit c'est important d'avoir toutes ces choses-là qui sont halal et d'éviter le haram dans le but que ton dua soit exaucé. On sait que la personne qui mange du haram et qui s'habille avec le haram et qui vit dans le haram, cette personne, c'est très difficile, c'est-à-dire c'est très difficile pour elle parce qu'elle risque de ne pas avoir ses doigts exaucés, comme le hadith de la personne qui est dans le désert et qui est remplie de poussière, et puis tout ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, et tout ce qu'il a c'est dans le haram, et il lève ses mains vers le ciel et il dit « Ya Rab, Ya Rab ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comment pourrait-il être exaucé alors qu'il est tout qu'est-ce qu'il a c'est dans le haram. Donc le cheikh il dit que tu as besoin donc de connaître les choses de ta religion qui vont t'aider à être capable de rester dans les règles de l'islam. Et le cheikh il dit que ça c'est facile avec la permission d'Allah, c'est-à-dire c'est facile d'acquérir cette connaissance avec la permission d'Allah lorsque tu as une détermination et que tu es vraiment sincère dans tes intentions. Le cheikh dit فَحْرِسْ عَلَى قِرَاءَةِ الْكُتُبِ النَّافِعَةِ وَاتَّصِلْ بِالْعُلَمَاء لِتَسْأَلْهُمْ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْكَ وَتَتَلَقَّى عَنْهُمْ أَحْكَامَ دِينِكَ وَكَذَلِكَ عَلَيْكَ أَنْ تُعْنَى بِحُضُورِ النَّدَوَاتِ وَالْمُحَاضَرَاتِ الدِّينِيَةِ التي تقام في المساجد وغيرها وتستمع إلى البرامج الدينية على البرامج الدينية في الإذاعة وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية تمت أو نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. Donc le cheikh il donne un bon conseil aux personnes, aux musulmans en général, puis aux personnes qui cherchent le ilm. Le cheikh il dit, yani, il faut que tu aies un désir ardent et que tu fasses un grand effort à lire les livres qui sont bénéfiques et à communiquer avec les ulama pour leur demander sur toutes les choses qui te causent des problèmes ou où tu as de la misère à comprendre dans la religion, pour que tu prennes les règles de ta religion, c'est-à-dire pour que tu prennes des ulama les règles de ta religion. Et de même que yani, tu dois essayer de faire un effort pour assister aux conférences et aux conventions qui sont organisées, les conférences religieuses, et également d'assister aux cours qui sont donnés dans les mosquées, des cours sur la religion. Et tu dois également faire un effort pour écouter les programmes religieux à la radio et de lire les magazines qui parlent de religion et tout ce qui est publié dans les choses de la religion. Et le cheikh dit que si tu es vraiment sincère et que tu fais beaucoup d'efforts à suivre toutes ces portes ou toutes ces choses qui t'amènent vers le bien, eh bien ta connaissance va augmenter et tu vas être éclairé, tu vas être illuminé dans ta compréhension et dans ta connaissance de la religion. Cheikh il dit: ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Donc le cheikh il dit: n'oublie pas, oh mon frère, que cette science elle augmente et elle se purifie grâce à l'action, lorsque tu l'appliques. Et si tu appliques ce que tu as appris, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va t'augmenter en connaissance. Comme le proverbe le dit, le célèbre proverbe le dit: celui qui applique ce qu'il a appris, Allah lui donne de la science de ce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire Allah lui augmente en science et lui apprend ce qu'il ne savait pas. Et il dit, et il y a dans un verset dans le Coran un témoin de ça, c'est-à-dire quelque chose qui confirme ce poème. Et c'est l'ayah, ou ce proverbe, et c'est une ayah dans Surat al-Baqarah, le verset 282, qui dit: et craignez Allah, taqullah, et il vous donnera la connaissance, ou il vous enseignera, yani. Et Allah vous donnera la connaissance ou vous enseignera. Donc craignez Allah, wa yu'allimukum Allah, craignez Allah et il vous enseignera, et Allah a connaissance de toutes choses. هو كنسة لتتشوز. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتابه المبين. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. Le cheikh il dit: la connaissance est la chose dans laquelle il est le plus important, c'est la chose qui mérite le plus d'occuper notre temps, yani. Et il faut qu'on fasse une compétition entre nous, si on a vraiment une raison. Donc on doit comprendre que c'est là-dedans qu'on doit compétitionner entre nous, dans la science, dans le fait d'acquérir la science. Et le cheikh il dit que c'est par la science que nos cœurs sont revivifiés et que nos actions sont purifiées. Et Allah subhanahu wa ta'ala que son rappel soit exalté et que ses noms soient sanctifiés. Il dit que Allah a glorifié les ulama, les savants qui agissent selon leur connaissance, qui appliquent leur connaissance, et il a élevé leur statut et leur niveau dans son livre. Il a élevé leur importance dans son livre clair. Et il dit dans Sourate Az-Zumar, le verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est uniquement ceux qui possèdent yani le cerveau en fait qui se rappellent et qui réfléchissent et qui prennent une exhortation. Donc c'est l'importance et c'est la supériorité ou disons le mérite de la personne qui a plus de connaissances sur celui qui n'en a pas. Et il donne également un autre verset pour prouver le mérite de celui qui a la connaissance, et c'est le verset 11 dans Surat Al-Mujadala qui dit, قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il élève en degré ceux qui ont cru parmi vous, de même que ceux qui ont reçu la connaissance. Donc il les élève en degré. Et Allah est pleinement ou entièrement connaissant de ce que vous faites et entièrement informé de ce que vous faites. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا وإن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié la particularité des gens qui ont connu la science et qui l'ont accompagné de foi et bien entendu d'action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe et c'est lui le mieux informé de ce que nous faisons, et c'est lui qui a une connaissance complète et qui est au courant de tout ce qu'on fait. Alors il nous informe et il nous dit l'importance du ilm et de l'action pour nous faire comprendre qu'il faut absolument avoir les deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir la connaissance et l'action ensemble. Et il faut que tout ça, c'est-à-dire l'action et la connaissance et l'action, soient c'est-à-dire soient inspirées par la foi et du fait qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et il est toujours présent, dans le sens qu'il nous surveille et qu'il sait qu'est-ce qu'on fait et il voit qu'est-ce qu'on fait, il entend tout. Donc il faut rester toujours conscient de ça. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، وسنقدم لك ما تيسر من ذلك ولعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. الشيخ الزي إنه étant donné que on connaît l'importance de s'encourager et de coopérer dans la piété et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on te présente par le pouvoir ou par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce livre, des connaissances très importantes dans le fiqh qui ont été extraites de ce que nos ulama ont écrit dans leur livre. Et on vous présente ce qui a été facilité pour nous, de ces choses-là, pour que ce soit quelque chose qui va te pousser à essayer d'augmenter le plus de bénéfices que tu peux en tirer, et d'augmenter en science et en action, bien entendu. Et le shaykh dit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la connaissance bénéfique et qu'il nous donne le succès d'avoir la bonne action qui va avec, et on lui demande de nous montrer la vérité comme telle et de nous permettre de la suivre et de nous montrer la fausseté comme telle et de nous permettre de nous en écarter. Et c'est lui qui est l'audien et c'est lui qui répond à l'invocation de ses serviteurs. Donc le premier chapitre dans ce livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, c'est Kitab al-Tahara. D'accord? Et Kitab al-Tahara, il contient plusieurs chapitres, 13 chapitres d'après ce que j'ai calculé. Le premier chapitre, c'est Babun fi ahkam al-Taharati wal-Miyah. Le premier chapitre, c'est au sujet des règles qui ont rapport avec la pureté et l'eau, les eaux. Deuxièmement, باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. Un chapitre qui parle des règles au sujet des contenants. Des règles qui concernent les contenants, tout ce qu'on peut utiliser comme contenant ou bien les trucs qu'on utilise pour faire à manger, par exemple des casseroles ou des trucs comme ça. Toutes ces choses-là, les pots, les contenants, les casseroles. Et les règles des vêtements des koufars, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on les purifie, etc. Ensuite, fima babun fima yahrumu ala al-muhtithi munawalatuhu min al-a'mal. Le chapitre qui a rapport avec ce qui est interdit pour la personne qui est impure ou dans un état d'impureté, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire parmi les actions. S'il y a certaines actions qui sont interdites pour ces choses-là. Babun fi adab qada al-haja. Un autre chapitre qui parle de la manière, les étiquettes, comment on va aux toilettes, comment on doit respecter les règles qui ont rapport avec ça. Babun fi siwaki wa khisal al-fitra. Un chapitre qui a rapport avec le siwak et les caractéristiques ou les principes de la fitra. Babun fi ahkam al-wudu. Un chapitre au sujet des règles du wudu. Babun fi bayan sifat al-wudu. Un chapitre qui a rapport avec la description comment faire le wudu. Babun fi ahkam al-mashi ala al-khuffayn wa ghayrihima min al-hawa'il. Un chapitre qui parle des règles de passer les mains sur les bas et autres parmi les choses qui peuvent être, c'est-à-dire sur nos pieds. Ou bien entre notre peau et nous, comme dans les choses qu'on porte dans nos pieds, ou bien s'il y a d'autres règles, on va comprendre après. Cheikh il dit babun fi bayani nawaqid al-wudu. Un chapitre qui parle des choses qui annulent le wudu. Babun fi ahkam al-ghusl. Un chapitre qui parle des règles en ce qui concerne al-ghusl. Quand on a une impureté majeure, qu'est-ce qu'on fait pour l'enlever? On doit se laver, donc il va expliquer ça. Ensuite, ahkam al-tayammum, babun fi ahkam al-tayammum. Un chapitre en ce qui concerne comment faire le tayammum. Et je ne vais pas utiliser le terme lustration pulvérale, comme certains l'utilisent, parce que je sais pas d'où est-ce que ça sort en réalité, mais je préfère dire tayammum. Il me semble que c'est plus simple. Et babun fi ahkam izalat najasa, un chapitre qui parle de comment enlever l'impureté lorsqu'elle est physique. Et babun fi ahkam al-hayd wa an-nifas, et un chapitre qui a rapport avec les règles, les menstruations et les écoulements de sang après l'accouchement. Donc on va essayer d'expliquer toutes ces choses-là, inshallah. Mais on commence bien entendu avec le début. Et le cheikh il dit babun fi ahkam at-taharati wal-miyah. Chapitre en ce qui concerne la pureté et les eaux. En fait, je sais pas là. Déjà, on a presque une heure. On va juste faire l'intro de ce sujet-là. Puis on va s'arrêter après. On commencera. On continuera la semaine prochaine après. Parce que en fait, c'est pas vraiment des. En fait, c'est très simple. Vous allez voir, Inch'Allah, c'est bien, c'est vraiment bien, Masha'Allah. Cheikh, il dit, donc, Babun fi ahkam al-taharati wal-miyah. Le chapitre qui a rapport avec les règles de la pureté et des eaux. Cheikh, il dit, Inna salata hiya al-rukn al-thani min arkan al-islam, ba'd al-shahadatayn. Wa hiya al-fariq bayna al-muslimi wal-kafir. Wa hiya umud al-islam. وأول ما يحاسب عنه العبد فإن صحت قبلت قبل سائر عمله فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. شيخ الزي يعني il commence par nous expliquer l'importance de la salat et c'est le deuxième pilier de l'islam après le shahadatayn. Il dit que c'est la distinction entre le musulman et le mécréant et c'est le pilier de la religion de l'islam et il dit que yani, la première chose par laquelle le serviteur sera jugé c'est à propos de sa prière. Si elle est correcte, eh ben, elle va être acceptée et le reste de ses actions également seront acceptées, mais si elle est rejetée, eh ben, le reste de ses actions seront rejetées également. Donc ça nous montre l'importance de la prière. Et le cheikh dit وَقَدْ ذُكِرَتِ الصَّلَاةِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى صِفَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ فَتَارَةً يَأْمُرُ اللَّهُ بِإِقَامَتِهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ ثَوَابَهَا وَتَارَةً يُقْرِنُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا Donc le cheikh il dit et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné la salat dans plusieurs points dans le Coran al-Karim, dans plusieurs endroits dans le Coran al-Karim de différentes manières. Parfois il mentionne ou il ordonne de l'établir, il commande de l'établir. Parfois il explique ses caractéristiques ou ses particularités, hein, qu'est-ce qu'elle a de supérieur aux autres ou d'importance par rapport aux autres. Parfois, il explique sa récompense. Parfois, il explique. Il l'associe avec une autre forme d'adoration, comme par exemple avec la patience. Et il commande de demander l'aide et le support en la patience et en c'est-à-dire de faire preuve d'endurance et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de rechercher l'aide dans le fait d'établir la salat lorsqu'il y a des difficultés. Après il dit وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ قُرَّةُ عَيْنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فهي حلية النبيين وشعار الصالحين وهي صلة العبد بين الرب بين رب العالمين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc le cheikh il dit que la salat c'était la perle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, et c'est-à-dire dans les choses de cette dunya, il a dit qu'il aimait les femmes et le parfum, et il a dit que la perle de ses yeux c'était la salat. Donc ça veut dire que ça c'était une des plus belles choses pour lui, une des plus importantes parmi les choses. Et c'est comme une sorte de parure des prophètes. Et c'est le signe distinctif des gens pieux. Et c'est la relation ou le contact ou disons la connexion entre le serviteur et entre le Seigneur des mondes. C'est le lien yani, qui existe entre nous et notre Créateur. Et elle nous éloigne et nous interdit de commettre des turpitudes et toutes sortes de péchés. Elle nous éloigne de ces choses-là. Donc, le Cheikh il dit لما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرهما أو على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة. Donc le cheikh il dit, il explique maintenant pourquoi il dit, pourquoi on parle de tahara avant la salah, puisqu'on sait l'importance de la salah. Pourquoi on parle de tahara, de pureté avant la salah? Il dit, étant donné que yani la salah elle ne peut pas être faite sans la purification, sans la pureté de la personne qui va prier, c'est-à-dire il doit enlever toute impureté et al-hadath. Hadath, c'est une description d'une impureté abstraite yani, dans une personne, c'est-à-dire elle, on ne peut pas la voir puis on ne peut pas la toucher. Hein. C'est une description abstraite qui est dans une personne, c'est-à-dire c'est l'état de ne pas être pur. C'est pas quelque chose de qu'on peut voir physiquement ou qu'on peut toucher yani, ou voir. C'est-à-dire si quelqu'un est en état de pureté et une autre est en état d'impureté, eh bien juste en les regardant les deux, on n'est pas capable de distinguer lequel est pur, lequel est impur, sauf si la personne nous le dit. C'est pour ça qu'on dit que c'est une description abstraite, le fait d'être en état de hadath. Et an-najas, c'est l'impureté, yani, l'état d'impureté également. Hasab al-qudrati ala dhalik. Donc, bien entendu, tout ça c'est relié à la capacité, c'est-à-dire il faut que la personne soit capable de s'enlever cette impureté-là. Et le cheikh il dit وكانت مادة التطهر هي الماء وما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. C'est-à-dire et la matière qu'on utilise ou la chose qu'on utilise pour se purifier, c'est quoi? C'est l'eau ou tout ce qui peut prendre sa place, comme par exemple le tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau. Donc le cheikh il dit que les fuqaha, les ulama de fiqh rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils commencent donc leur livre par l'explication de la pureté. Pourquoi? Parce que yani c'est la clé de la prière, c'est la clé pour faire la salat, qui est le deuxième pilier. Donc le cheikh il dit annaha lamma quddimat as-salat ba'da ash-shahadatayn, étant donné que après les shahadatayn, eh ben on commence toujours par la salat, par l'explication de la salat. Avant de commencer à parler des autres piliers, on commence toujours par la salat, après les shahadatayn, après les deux témoignages de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est important de mentionner tout ce qui vient avant et qui est nécessaire ou qui est obligatoire ou qui est une condition pour pouvoir appliquer cette salat. Et parmi ces conditions là il y a le fait qu'on doit être dans un état de pureté, parce que la pureté c'est la clé pour la salat. كما في الحديث مفتاح الصلاة طهور. C'est un hadith qui est rapporté dans qui est rapporté selon Ali par l'imam Ahmad, Abu Dawood, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et il est également rapporté selon Jabir et Abi Saïd al-Khudri. Donc c'est un hadith qui dit que la clé de la salat c'est la purification. وذلك أن الحدث يمنع الصلاة فهو القفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل. Donc le cheikh il dit que l'état d'être en impureté, al-hadath, elle empêche quelqu'un de faire la salat. Donc c'est comme un cadenas qu'on met sur quelqu'un qui est impur. Et la seule façon d'enlever ce cadenas ou de débarrer ce cadenas, c'est de faire le wudu. D'accord. Donc le cheikh dit فالطهارة أوكد شروط الصلاة والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. Donc le cheikh dit que donc la pureté c'est une des plus certaines parmi les conditions de la prière, et on fait jamais précéder on fait toujours précéder yani, c'est-à-dire on parle toujours, on doit toujours expliquer la condition en premier avant de parler d'une chose qui est soumise à cette condition là. Donc le cheikh dit wa ma'na at-tahara lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu 'an al-aqdhar al-hissiyyah wal-ma'nawiyyah. Donc le cheikh dit la signification de la pureté dans la langue arabe, c'est la propreté le fait d'être exempté de toute saleté, qu'elle soit physique ou abstraite, sa signification wa ma'naha shar'an irtifa'u al-hadath wa zawalu an-najas. Donc le cheikh il dit que sa signification dans la sharia, ça signifie d'enlever al-hadath et d'enlever al-najas. Et là il va expliquer ce que ça signifie. Il dit irtifa'u al-hadath يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن وإن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة ويأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. Donc le cheikh il dit ارتفاع الحدث, d'enlever الحدث, c'est-à-dire l'impureté, et bien ça se fait par le fait d'utiliser de l'eau avec l'intention, surtout le corps lorsque c'est une impureté majeure, et de le faire pour certains membres lorsque c'est une impureté mineure, et d'utiliser ou bien d'utiliser ce qui remplace l'eau lorsqu'on n'a pas de l'eau ou qu'on est incapable de l'utiliser, c'est-à-dire qu'on est incapable d'utiliser de l'eau pour cause de maladie ou pour crainte ou quelque chose de ce genre. Donc le chef il dit qu'est-ce qui prend sa place, c'est-à-dire la terre, la poussière, et ça se fait selon une description spécifique qui va être expliquée plus tard lorsqu'on va expliquer la description comment se purifier des deux formes de hadath, c'est-à-dire celle qui est majeure et celle qui est mineure. Après le cheikh il dit wa gharadana al-an bayan sifat al-ma alladhi yahsul bihi at-tatahhur wal ma alladhi yahsul bihi dhalik. Donc le cheikh il dit et notre but actuellement maintenant c'est maintenant d'expliquer c'est quoi la caractéristique de l'eau, quelle est la caractéristique que l'eau doit posséder pour qu'elle soit purifiante, pour qu'elle soit capable de nous enlever cet attribut ou cet état d'impureté. Il dit le cheikh wa qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate al-Furqan le verset 48 et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Hein? Et il dit dans un autre verset, وَقَالَ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Ça c'est le verset 11 dans sourate Al-Anfal. C'est-à-dire, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sur vous une eau du ciel pour vous purifier par celle-ci. وَالطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي ذَاتِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ. Et quand on parle de l'eau qui est tahour, ça signifie qu'elle est pure en elle-même et qu'elle est purifiante pour les autres, c'est-à-dire elle est pure en elle-même et elle purifie. OK. Wa huwa al-baqi 'ala khilqatihi ay sifatihi allati khuliqa 'alayha. Donc c'est l'eau qui est restée dans son état naturel tel qu'elle a été créée, c'est-à-dire H2O. يعني après il dit سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أو كان مقطرا. Donc le cheikh il dit et c'est et peu importe que cette eau soit de l'eau qui tombe du ciel comme de la pluie, ou de la neige fondue, ou bien des grêles, comme on a dit, des grêlons, ou de la grêle, quand ça tombe, ça fond, c'est comme de la glace, ça fond, ça devient de l'eau, ou bien que ce soit de l'eau qui coule sur la terre, comme par exemple l'eau des ruisseaux, des rivières, des puits, de la mer, ou bien que ce soit de l'eau qui tombe par gouttes, hein. Tout ça, c'est de l'eau qui est purifiante. Et le cheikh il dit فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَصِحُ التَّطَهُرُ بِهِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَ. Et bien sûr, ça inclut l'eau qui coule dans notre robinet lorsqu'on est à la mosquée ou à la maison pour faire notre wudu. Et le cheikh il dit que ça, c'est l'eau par laquelle il est permis de se purifier, avec que ce soit des hadath, de notre état d'impureté, ou bien des impuretés elles-mêmes. النجاسة والنجاسة فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به. Si elle a changé cette eau, cette eau elle a changé, soit dans son odeur ou dans sa couleur ou dans son goût, à cause d'une impureté, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de l'utiliser pour se purifier, puisqu'elle est devenue elle-même une source d'impureté. Min ghayri khilaf. Le cheikh dit qu'il n'y a pas de différence à ce sujet-là parmi les ulama. Wa in taghayyara bi shay'in tahir lam yaghlab 'alayhi fas-sahihu min qawli al-ulama sihhat at-tatahhur bihi aydan. Et le cheikh dit que si cette eau elle a changé, mais à cause d'une chose qui est pure, qui est mélangée dedans, qui est dedans, mais qui n'a pas pris dessus sur cette eau, hein, si cette eau-là elle est mélangée avec une chose qui est pure, mais que cette chose qui est mélangée avec n'a pas pris le dessus sur sa nature, sur sa description, dans ce cas-là, selon la parole qui est correcte parmi les paroles des ulama, il est permis de se purifier avec cette eau. Comme par exemple, le cheikh va donner des exemples. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع البقاء أو مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. Donc le cheikh il explique, c'est comme par exemple si tu mélanges dans l'eau quelque chose qui est pur, mais que ça change pas sa description, comme par exemple dans le sens où on va dire qu'il y a un petit peu de savon, ou qu'il y a un petit peu d'eau de rose mélangée avec de l'eau, ou des choses comme ça, ou un peu de terre, hein, dans l'eau, ou de la boue, des choses comme ça, ça fait pas perdre à l'eau sa capacité d'être purifiante, excepté si elle prend le dessus sur l'eau, c'est-à-dire qu'on peut plus l'appeler de l'eau, hein, comme par exemple lorsque tu mets du concentré d'orange dans de l'eau et que ça devient du jus d'orange, mais là on peut plus l'appeler de l'eau, parce que là c'est devenu autre chose que de l'eau, c'est du jus d'orange, d'accord, il y a eu un mélange, et là maintenant tu peux plus les séparer l'un de l'autre, et tu peux plus dire que c'est seulement de l'eau, ça devient du jus d'orange. Donc dans ce cas là tu dis, tu peux plus te purifier avec, il faut que l'eau garde encore sa description d'être de l'eau. D'accord. Donc c'est ça qu'il a cité comme la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui mentionne cette chose-là. Si c'est juste un petit peu de chose qui a été mélangée avec de l'eau et que ça ne fait pas perdre à l'eau sa description et qu'elle reste de l'eau, du H2O, alors dans ce cas-là, oui. Même s'il y a un petit peu d'autres choses mélangées avec, tu peux quand même te purifier avec. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به. Ensuite, le cheikh il dit qu'il y a deux positions parmi les positions des ulama à ce sujet-là. Mais il a mentionné chacune des positions, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah a mentionné chacune des positions avec leur point de vue et, pour, et leur, sur quoi ils se basent pour défendre leur point de vue, puis il a défendu par la suite une de ces positions-là en expliquant que, c'est, que sa, la position qui était correcte, c'était celle qui permet de se purifier avec cette eau. Et il mentionne les preuves de ça. Il dit, قال هو هو الصواب. Il dit, et c'est ça, cette position-là, qui dit qu'on peut se purifier avec cette eau qui est mélangée avec une petite quantité de choses qui est pure dedans. Pourquoi? Parce que, il mentionne le verset qui dit, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقوله فلم تجدوا ماء ناكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى. Donc le cheikh il mentionne un verset dans sourate al-Fatiha qui dit dans sourate al-Maida pardon le verset 6 qui dit et si vous êtes malade ou voyageur ou que un d'entre vous vous êtes allé faire vos besoins que vous avez eu des rapports avec une femme des rapports sexuels avec une femme et que vous ne trouvez pas d'eau alors vous faites le tayammum hein. Et le shahid, il y a le point qu'il mentionne dans ce verset-là, c'est-à-dire que et vous ne trouvez pas d'eau. Falam tajidu ma'an. Donc, vous ne trouvez pas d'eau, alors vous faites le tayammum avec de la terre et vous frottez vos mains et vos visages. Vous frottez vos visages et vos mains avec. Après, le shahid, il dit donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit vous ne trouvez pas d'eau, ça c'est une chose qui est indéfinie et qui est une négation indéfinie, donc dans ce sens là ça implique toutes les formes d'eau sans faire une exception parmi les différentes sortes d'eau d'une par-dessus l'autre, c'est-à-dire on peut pas distinguer entre les différentes sortes d'eau. Et le cheikh dit فإذا عدم الماء عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. Donc il dit que s'il n'y a pas d'eau et qu'on n'est pas capable, ou bien qu'on n'est pas capable d'utiliser de l'eau parce qu'on est malade ou quelque chose de ce genre, alors Allah subhanahu wa ta'ala il a mis comme quelque chose pour le remplacer de la terre et il faut se purifier avec selon une façon qui a été expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et ça va être expliqué inshallah lorsque on va arriver à ce chapitre. Donc on va arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va continuer notre dars demain inshallah sur ce sujet. Je pense que c'est un bon sujet, c'est un bon livre et puis bon, si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, vous avez l'adresse du groupe CIM dans la barre en haut et vous pouvez vous inscrire là, dans ce site et puis m'envoyer vos commentaires par email. Donc ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes d'accord avec ce sujet là ou ce livre là ou bien si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on étudie ensemble. Donc ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires et vos suggestions à ce sujet là comme ça on pourrait mieux savoir mieux comprendre quelle question on doit cibler et quel sujet on doit attaquer ensemble inchallah. Donc on va s'arrêter ici. Je sais que bientôt pour vous ça va être la prière, donc pour ceux qui sont en France, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et puis à la semaine prochaine bismillah.